Je sors pas de la télé, je sors pas de la radio, je sors pas d'internet, ni même des journaux, je sors pas de séries porno, je sors pas d'un dîner, je sors pas d'un ministère ou d'une communauté privée, je sors pas non plus avec toi, avec toi. D'abord, si tu veux pas. Sur ma prison, pour n'importe quoi, pour une écorchure, pour une bavelée, pour avoir pissé sur les murs, juste chez moi, je voulais le monde, et peut-être toi, mais t'as vu comment c'est dur, te draguer, te brancher, on y passe du temps, et c'est jamais gagné, alors moi tu vois, je ne cherche plus. Parler avec les femmes d'abord qui ne veulent pas. Je préfère les payer, c'est bien plus régulier. Sourire à qui veut bien les voir, qui veut bien. C'est marché à la femme plus simple que de se faire chier à vous, draguer mesdames, ouais. Toujours insister, et vous ne voulez jamais. Vous n'êtes pas des filles faciles, plutôt inaccessibles, et puis au point de vue financier, c'est bien plus rentable que de vous. Payer un verre, et puis dans deux jours le resto, et puis le cinéma, etc. Puis je sais pas quoi. Des fleurs, ma chérie, des fleurs. Oh ma chérie, allez les voir. Dans les chéris, ouais, c'est bien plus joli. Dans les vrais, c'est bien plus joli. T'y traîner, t'y rouler, mais ça c'est du passé. À présent, droit au but, rentre dedans. Un paquet, mouchoir, un paquet, une capote et ta bouche. Que ce soit toi ou toi d'abord, c'est tout le temps toi, c'est tout le temps toi qui me suce. C'est ta bouche.